Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des deux animateurs de cette belle émission. L'autre qui m'accompagne est le journaliste automobile Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien, et toi? Ça va très bien. La température est belle, le printemps est arrivé. Oh mon Dieu, on dirait que l'hiver est fini. Je suis obligé de te mettre un bémol tout de suite. OK. C'est vrai que la température est belle, c'est vrai que c'est beau, puis on dirait que le printemps est arrivé. Mais on va donner tout de suite l'idée. Attention, enlevez pas vos pneus d'hiver tout de suite. Non. Moi, je suis très têteux là-dessus. L'idée, en fait, c'est qu'on a tous l'impression qu'avec nos pneus d'hiver, notre char est moins beau parce qu'on n'a pas des beaux mags, puis on n'a pas ci, puis on n'a pas ça. Dites-vous que c'est une vérité absolue. Quand on vous dit que les pneus d'été, les pneus trois saisons, en fait, là, agissent très, très mal quand il fait 7 degrés ou moins. Le CAA Québec qui a fait un test cette semaine, mais récemment, qui ont publié cette semaine, où ils disent entre autres que ça allonge jusqu'à 20 mètres la distance de freinage. Ouais, donc c'est Quand ça. Fait que 20 mètres, pensez-y, c'est 60 quelques pieds. C'est l'équivalent de pas mal de voitures entre vous et celle d'en avant. Alors, ne prenez pas de chance. Attendez mi-avril quand il va faire un 7 degrés au minimum. Ouais, non, Donc. c'est une bonne idée d'attendre. Soyez pas, attendez pas à la dernière minute pour les faire mettre, puis attendez, puis partez pas aussi. Soyez pas le premier à les faire enlever. Non, effectivement. On est patient. Exactement. Et je trouvais que c'était important de le mentionner d'entrée de jeu parce que je te connais, toi, tu t'es garoché prendre ton rendez-vous, puis. Même pas, même Mais non. pas. De Non. toute façon, t'as une Leaf. Ouais, c'est ça. Ma Leaf va garder ses pneus d'hiver un petit bout de temps. Puis, ben, mon camion personnel, il est remisé pour les prochaines semaines parce que j'ai des autos de presse. Donc, j'ai pas besoin de faire enlever mes pneus tout de suite. Puis, bon, ben, les voitures de presse vont prendre ce qu'ils vont me donner. Parce que C'est c'est ça. effectivement. Donc, Marc, tu voulais terminer sur ton essai du CRV. On va commencer avec ça. Tu avais un CRD, CRV en long terme. Puis tu vas le retourner bientôt. Puis finalement, là, c'est quoi tes impressions avec le temps qui passe? Écoute, j'ai beaucoup aimé ce petit véhicule-là. Honnêtement, je m'y suis habitué facilement. J'ai trouvé qu'il répondait tout à fait aux exigences nécessaires. Mais en même temps, après quelques semaines, quelques mois même, je te dirais que je le trouve un peu trop sage, un peu trop ordinaire dans sa façon d'être. Je me suis jamais vraiment fait à la console centrale. Je trouve que l'espèce d'écran, je passe mon temps à chercher quand même les commandes. J'avais pas la navigation et bon, il y a des options apps, toutes sortes d'affaires que je cherchais quand même la navigation parce que bon, on change de voiture assez souvent, à un moment donné, je me mêlais. Alors, j'aimais pas l'ergonomie, si tu veux, du système multimédia, qui est efficace en passant, là. Tu sais, pour quelqu'un qui arrive avec ça et qui vit avec ça tout le temps, c'est probablement facile de s'habituer. Moi, j'ai pas été capable de le faire. En termes de comportement routier, j'ai pas grand-chose à dire cependant. J'ai été très, très, très favorablement impressionné de ce véhicule-là. Le rouage intégral s'est montré bien assez efficace pour la nécessité qu'on en avait dans les conditions qu'on a eues cet hiver. Tu vas me dire qu'on n'a pas eu des grosses tempêtes, mais quand même, les fois où c'est arrivé, j'étais content de l'avoir et ça s'est bien fait. Mon gros, gros, gros bémol, cependant, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit de caisse depuis le début dans ce véhicule-là. Quand on me l'a prêté, il y avait déjà quelques milliers de kilomètres. On parle d'à peu près 20 000 kilomètres déjà quand on me l'a prêté. Et au moment où on se parle, je n'ai pas le CRV. Il est actuellement chez le concessionnaire où il doit faire remplacer ses amortisseurs arrière. Déjà? Ouais, et je peux te dire que j'ai été, oui, c'est vrai, c'est une voiture de presse qui se fait brasser pas mal par les journalistes. Nous, on s'en est servi ici comme étant un véhicule familial, donc on a été extrêmement précautionneux avec. On a fait attention, on n'a pas fait les fous, on l'a pas amené là, dans des surfaces complètement folles, hors route et tout. Ça a vraiment été le petit véhicule, comme toi, tu fais avec ta propre voiture, finalement. Et malgré tout, il faut aujourd'hui l'envoyer. Faire changer ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Bien sûr, c'est anecdotique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les CRV du monde vont souffrir de cette faiblesse-là, mais je t'avoue que ça m'a un petit peu pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce genre d'intervention-là aussi rapidement. Ouais, surtout pas sur un Honda, normalement, c'est quelque chose qui est assez fiable, puis t'as pas nécessairement grand-chose à faire dessus. Même Effectivement, mais je pense que dès le départ, il y avait un problème parce que comme je te dis, il y avait des bruits de caisse en abondance au début. Alors, j'ai vraiment l'impression que dès le moment où on me l'a prêté, il y avait un problème avec qui avait juste pas été diagnostiqué et le fait qu'on s'en serve cet hiver, ça l'a pas aidé. Puis enfin, le dernier point, puis écoute ça, j'en suis pas revenu. J'en ai parlé la dernière fois. et je continue d'en parler, c'est la taille du réservoir de carburant. Écoute, c'est rendu que les caissiers à station-service m'appellent par mon prénom. C'est une c'est un tout petit réservoir. On passe notre temps à y aller, pourtant on roule pas beaucoup là, mais on fait même pas 500 km avec le réservoir complet. C'est extrêmement dérangeant. On est toujours rendu à la station-service, et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément irrité, je te dirais. Ça a été quoi ta moyenne de consommation? Parce qu'on parlait la dernière fois que ta moyenne n'était pas nécessairement élevée, c'est vraiment le réservoir qui est petit, mais. Non, effectivement, il y a pas la moyenne est très très raisonnable, je te dirais. On est aux alentours de 8 litres au 100, malgré toutes les conditions dans lesquelles on l'a conduite, là, autant en ville que sur autoroute, et peu importe les circonstances. Mais c'est pas le fait que la moyenne est élevée, c'est vraiment que le réservoir est minuscule. Et ça, comme je te dis, tu sais, quand on le laissait pendant une semaine, c'est pas pire, on fait 500-600 km, on va mettre une fois du carburant, ça va, il n'y a pas de problème. Quand on le laissait pendant 3 mois comme on fait et qu'on l'a partagé, mon épouse l'a pris, je l'ai fait essayer à d'autres gens aussi, tu sais, il faut pas faire ben ben long pour faire 400 km et se retrouver avec la petite lumière jaune qui s'allume là. Ouais. Alors ça finit par être un élément, je vais être ben ben plate là, mais ça me dérange sur une auto électrique, ça me dérange autant sur une auto à essence d'être obligé de constamment regarder l'autonomie parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie qui me préoccupe à ce point. Et malheureusement, avec le CRV, ça le fait pas mal. OK, mais autrement ça, est-ce que c'est un véhicule que tu recommanderais? Totalement. OK. Écoute, quelqu'un qui a envie d'avoir un petit utilitaire pratique en ville, hein, surtout, évidemment, c'est rien d'extrême. C'est vraiment, vraiment encore un des tops. Écoute, tu n'auras pas de grand frisson quand tu conduis ça, c'est certain, Ouais. mais en même temps, c'est un véhicule qui fait tout à fait bien son travail et qui vraiment répond bien et qui, il faut le dire aussi, est pas trop dispendieux parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut regarder, là. Il est quand même pas si cher que ça par rapport, par exemple, à la compétition. C'est un véhicule qui est quand même, ma foi, très, très intéressant. Part à 26 100 $. On a parlé la semaine passée du Kia Sportage qui partait à 24 700. Donc, tu sais, tu vois, on n'est pas loin l'un de l'autre. Si on prend des versions, par exemple, à 4 roues motrices, elle est à 28 550. Un petit peu plus dispendieuse que le Sportage, mais pas beaucoup. Mais c'est toujours le même moteur là, chez Honda, 4 litres, 2,4 litres, 4 cylindres, 185 chevaux, jumelé à une boîte CVT, rouage intégral. Donc, tu sais, ça. C'est quelque chose, honnêtement, que je recommanderais, mais avec le bémol de la grosseur de réservoir qui vraiment n'a pas fini de me faire rager, là, je te jure. OK, c'est bon. Mis à part ça, tu conduis quoi, toi, cette semaine? Cette semaine, je suis en BMW. C'est ma période BMW ce mois-ci, là. J'en ai 33 ou 4 d'affilée. On va d'ailleurs en parler un peu plus tard de mon premier essai la semaine dernière. Mais cette semaine, j'ai la BMW 328 Touring. Donc, c'est la familiale série 3. 328 qui est un peu la version de base aussi. Un petit véhicule bien intéressant parce que j'aime beaucoup les familiales, mais qui manque un petit peu. Tu sais, j'ai l'impression, écoute, c'est juste trouver la position de conduite, j'ai eu un petit peu de difficulté. Puis mon épouse, qui est une fan finie de BMW, qui passe son temps à dire qu'elle est venue au monde en arrière d'un volant de BMW, a elle-même éprouvé de la difficulté à trouver la bonne position de conduite. Alors, c'est pas nécessairement la plus grande trouvaille de l'année. OK, ouais, c'est un peu dommage. Puis toi, cette semaine? Moi, je suis au volant d'un Subaru Crosstrek, d'un bleu, oh, ma foi, assez voyant. C'est le bleu qui remplace l'orange. Le Crosstrek avait été connu pour sa couleur orange dans les pubs qui était utilisée, tout ça. Ce orange-là a été tassé. Puis là, c'est un bleu, un peu, les gens qui connaissent un peu la Mustang, c'est un peu ce qu'on appelait le grabber bleu. C'est un bleu vraiment bonbon. C'est le fun parce que le Crosstrek, c'est un véhicule, quand il a sorti, il m'a comme tapé dans l'œil. C'est un véhicule qui m'a beaucoup plu parce que bon, finalement là, c'est une Impreza haute sur pattes là. C'est comme une Impreza en talon haut avec un station wagon. Mais j'aime beaucoup le véhicule en tant que tel. J'aime son look. Puis à date là, je vous dirais que je suis pas déçu non plus de sa conduite. C'est vraiment intéressant. Manque peut-être un peu de puissance là, si on veut accélérer rapidement ou faire des dépassements sur l'autoroute. J'ai connu ça hier en allant au centre-ville. J'ai effoiré le champignon pour être capable de rentrer sur l'autoroute. Puis j'attendais et j'attendais. Finalement, j'ai pas eu la puissance que je pensais avoir. Mais les accélérations 0 à 100 sont quand même intéressantes. On dirait que c'est les reprises qui sont un petit peu plus difficiles. Mais je vais vous en reparler dans probablement la semaine prochaine là, parce que j'ai pas encore assez eu le temps de faire le tour, mais beaucoup d'espace, l'intérieur est beaucoup amélioré. Et toi, tu as la version qui a été remaniée, là, qui est la première génération et demie, là. Ouais, c'est ça. Parce ils l'ont refait un petit peu. Franchement, c'est un beau véhicule, mais je vais en faire le tour, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Marc va vous parler d'une BMW cette semaine. Moi, je vais vous parler de l'Acura RLX. Ben, tu fais quand même dans le char de luxe, là. Ouais, quand même, dans le char de luxe, une voiture que j'ai eu 2 semaines pendant le temps des fêtes. Et juste pour te faire frémir un peu, le Crosstrek orange dont tu parlais, moi, je suis allé l'essayer au moment du lancement. On nous avait amené à Hawaï pour le tester. Bon, on peut-tu passer à la pause? Bien sûr, on peut faire une pause. Ouais, pendant On celle-là, c'est ça, m'a dé relaxé. décanter un peu. Ouais. Mais écoute, on va faire une pause et on revient après la pause avec nos essais, la BMW 650 Grand Coupé et l'Acura RLX de Luc, qui l'a tant aimé. Alors, nous sommes de retour de la pause. Marc, on va aller dans nos essais de la semaine. Toi, tu as essayé la semaine dernière la BMW 650 Grand Coupé. X-Drive. Juste le nom me fait penser que c'est une voiture quand même assez énorme. Ben, Me trompe-je? non, tu te trompes pas. C'est en fait effectivement une voiture qui est assez énorme, qui est, comment je pourrais dire, qui a des bonnes dimensions, c'est clair. Écoute, on parle d'une voiture qui fait 5 mètres de longueur, 2 mètres, un petit peu plus de largeur, 1,3 mètres de hauteur. Ça commence à être de l'auto, là. OK. 2,9 mètres d'empattement. Tu sais, écoute, pense-y, 2,9 mètres d'empattement, ça, c'est entre les roues, là. Calcule qu'un Smart fait 2,4 mètres De long, ouais, c'est de ça. long. Alors, tu rentres une Smart complète entre les deux, ce qui est quand même assez particulier. OK. Elle est disponible en deux versions, en fait. La version 640 et la version 650. La 640 est disponible avec un moteur V6, tu t'en doutes, donc un peu moins puissant. La 650, c'est le V8 de 4,4 litres, 445 chevaux, quand même. Ça déménage considérablement. 479 livres-pieds de couple, moteur turbo. Ça se promène solide et c'est jumelé à un rouage intégral puisque c'est la X-Drive et c'est jumelé aussi à une boîte automatique 8 rapports avec les modes manuels, les palettes pour changer les vitesses au volant. C'est pas quelque chose dont je me sers beaucoup. Honnêtement, je m'en sers même à peu près jamais, sauf pour passer le temps quand je suis au feu rouge. Mais c'est quand même quelque chose qui, parce que la BMW Grand Coupé a une espèce de personnalité sportive, il fallait quand même l'avoir et je pense que ça fait partie des gadgets nécessaires. Pour le reste, écoute, c'est vraiment une auto qui est impressionnante. Moi, j'ai toujours aimé la série 6 de BMW. C'est une catégorie de voitures que je trouve magnifique, même si on parle de la Grand Coupé, c'est-à-dire une voiture qui s'étire vers l'arrière, mais qui a quand même quatre portes, donc qui n'est pas un vrai coupé. Elle est absolument superbe, elle est aérodynamique, elle est magnifique. Et la mienne était argent, mais argent mat. Ok, Tu sais, ouais, j'aime bien les nouvelles peintures mat là, qui vont aller avec des couleurs comme justement argentées là, c'est très joli. c'est magnifique et vraiment, vraiment, ça nous donne une allure incroyable avec les phares halogènes, on n'a pas halogènes, mais Adèle en avant, c'est vraiment superbe. C'est une auto qui, tu la regardes s'en venir là, et tu sens que la voiture est méchante. Écoute, dans les deux versions d'ailleurs, hein, même si le 6 cylindres est pas mal moins puissant, on parle de 315 chevaux contre 445 pour l'autre, dans les deux cas, c'est une voiture qui se déménage très bien. C'est une voiture dont la direction est extrêmement précise. Bien sûr, comme la plupart des BMW, on peut choisir les modes de conduite. On a donc un mode éco qui va jusqu'au mode Sport Plus. Donc, ça joue beaucoup sur la réponse de la transmission. Dans certains cas, ça peut même jouer sur les suspensions. Ça va jouer sur la direction. Et ça va surtout jouer sur le régime moteur. Et là, vraiment, quand tu la mets en mode sport, tu sens définitivement une différence. Tu sens que la voiture est plus nerveuse et plus agréable à conduire quand tu veux donner un peu de dynamisme. Quand tu fais de la ville, ben écoute, tu mets ça en mode éco, ça demeure relativement économique. Écoute, la version 6 cylindres a quand même une moyenne de consommation qui est presque raisonnable, je te dirais. On parle de 12,1 ou 8,1 litres au 100, selon qu'on est en ville ou sur l'autoroute. Bon, c'est quand même bien pour une voiture de ce taille-là, quand même, C'est ça, c'est ce que je te dis, c'est presque raisonnable. là. Ouais. Évidemment, si tu t'en vas sur la version, la 650, Mais là, c'est un peu plus catastrophique, là, parce qu'en ville, on parle de 15 litres au 100 ou à peu près. Ça commence à être un peu abusif, je te dirais. J'espère que le réservoir est plus gros que celui de ton CRV. Ben, pas tellement, en fait. Il y a une autonomie d'à peu près 500 km. Là aussi, le réservoir est beaucoup plus gros, 70 litres, mais comme la consommation aux 100 km est plus élevée, ben, tu fais pas nécessairement plus long, là. Mais oui, c'est bien. Pour le reste, écoute, c'est une auto qui est ultra confortable, qui a des matériaux à l'intérieur qui sont évidemment de grande qualité, dont les cadrans se lisent très bien. Le gros bémol, c'est toujours, encore et toujours, les fameux systèmes multimédia avec la molette au milieu, le iDrive dans le cas de BMW. On l'a amélioré considérablement. C'est bien fait, c'est le fun, mais ça demeure quand même un peu excessif, les manipulations qu'on a à faire pour réussir à atteindre les menus que l'on veut. Il n'est pas rare que l'on soit obligé de cliquer sur deux ou trois fonctions avant d'en arriver à ce que l'on veut vraiment. Et ça, pour moi, ça demeure inacceptable, parce qu'on est à une époque où on veut avoir quelque chose de plus rapide et de plus efficace. Pour le reste, écoute, c'est une auto. T'sais, je ne parlerai pas contre mon cœur. J'aime la BMW Série 6. Je l'aime dans son format grand coupé aussi. Grand coupé, on le rappelle, là, ça se prolonge loin vers l'arrière. Un bon espace de chargement, une bonne valise. Honnêtement, c'est une auto qui fait bonne impression. Et je te dis, mes voisins sont tous venus me dire que j'avais une belle voiture la semaine dernière, là. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Puis, si Mais jamais on veut s'acheter ça, faut réhypothéquer notre maison de combien? ben, en fait, tu vois, si tu es raisonnable puis que tu prends la 640, c'est à peine 89 900 $. Si tu vas chercher la 650, on parle de 101 000. Évidemment, à ça, tu peux ajouter toutes sortes d'options, comme d'habitude. Mais je te dirais que, bon, écoute, c'est une série 6 avec tout ce que ça implique comme valeur et comme style. Moi, je suis vendu à cette auto-là. Est-ce que je m'en achèterais une? Probablement pas, même si j'avais le budget. Parce que je trouve que malgré toutes ces belles qualités, pour 100 000 $, il y a pas mal d'affaires qu'on peut aller chercher. Mais j'avoue qu'elle a du charme. C'est un peu comme moi, là, tu sais. C'est une voiture tout en courbe et très charmante. Exactement. Puis Pareil. toi, mon cher, toi, t'as fait dans le luxe japonais au cours des dernières semaines. Ouais, mais c'est pendant le temps des fêtes. À chaque année, je me trouve une voiture pour passer le temps des fêtes. Donc, je passe 2 semaines en Mac avec la voiture. L'année passée, c'était un CR-V. Cette année, c'était une Acura RLX hybride, sport hybride. Donc, c'est une voiture qui a quand même pas mal de puissance. On parle d'une voiture qui a 310 chevaux avec des moteurs électriques pour faire le mode hybride. C'est une voiture qui vaut quand même là, aux alentours de 71 000 $. Donc, un petit peu moins que ta BMW AV6. Des choses que j'aime beaucoup de l'Acura, c'était le système de traction intégrale. On a parlé un peu avant d'entrer en onde. Marc, toi aussi, tu le trouvais très intéressant. C'est un système qui est très bien. C'est un système aussi dont on peut voir exactement qu'est-ce qu'il fait et quand, parce que c'est affiché dans le pare-brise avec l'affichage tête haute. Bon, on a notre vitesse. On peut avoir les informations de, bon, la vitesse sur le tronçon qu'on emprunte présentement. Donc, si on est sur une route à 50 km/h, ça va nous afficher 50 km/h, plus des informations de navigation si on en veut. Mais le système va nous montrer aussi exactement à quelle roue la voiture est en train d'envoyer la puissance, comme dans une courbe ou si on perd le contrôle dans la neige. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on peut voir le système travailler. Côté design, je trouve que la voiture est vraiment belle. Acura s'est améliorée depuis les dernières années, là. Il y a un moment donné où l'espèce de calandre ou de grille en forme d'ouvre-boîte me plaisait plus ou moins. On a changé un peu ça. On a une allure beaucoup plus jolie, mais présentement. Il faut dire que les fers, si tu permets, ce qu'on appelle les dual eyes, là, la façon dont ils ont fait les blocs optiques avant, honnêtement, c'est vraiment un beau travail. C'est vraiment distinctif, mais c'est super beau en plus. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup ça, là. Ouais, ça retravaille la calandre. La voiture a une plus belle prestance aussi. L'arrière, c'est Ça. pareil. C'est très joli. Ça a l'air quand même large. Ça a l'air à prendre beaucoup de place sur la route. C'est une voiture qui est stable. L'intérieur aussi, très bien fini, très confortable. Moi, j'avais une voiture noire avec un intérieur beige un peu foncé. C'était très, très joli. Confortable, bon, toit ouvrant, cuir et tout ça, siège chauffant, volant chauffant. La seule chose qui m'a un peu irrité, c'est le système de divertissement d'Acura qui est vraiment pas au point, là. C'est un peu comme celui d'Honda. Je trouve que c'est dans mes moins préférés. que je dirais dans de l'industrie, que je dirais. Et puis l'espèce de système de levier de vitesse qui n'existe pas, c'est des boutons qu'on pèse, qui sont placés de manière un peu bizarre. Donc, si on veut aller en mode drive, ben, il faut appuyer sur un bouton. Si on veut se stationner, il faut appuyer sur un bouton. Si on veut le mettre au neutre, il faut appuyer sur un autre bouton. Pour moi, ça fonctionne pas. C'est juste compliqué. C'est bizarrement fait. J'ai vraiment pas aimé ce système-là, mais pour le reste, la voiture est vraiment excellente. Acura donne des moyennes de consommation là, qui oscillent aux alentours de 7,5 à 8 litres aux 100 km avec la voiture. Moi, j'ai eu une moyenne combinée de 8 litres aux 100 km pendant mon 2 semaines. J'ai eu de la neige, j'ai eu des conditions plus ou moins bonnes. Donc, ça a vraiment très bien été. J'ai été quand même impressionné pour une voiture de cette taille-là, de cette puissance-là, avoir une économie d'essence d'environ 8 litres aux 100 km. Je trouvais que c'était très bien. Puis c'est une voiture qui est quand même puissante. Là, quand on veut accélérer, la voiture va accélérer. On a l'impression qu'on est en contrôle. J'ai vraiment aimé l'Acura RLX. La seule chose, comme je dis, c'est le système de levier de vitesse puis le système multimédia là, que c'est quelque chose qui m'a un petit peu irrité. Mais pour le reste, c'est une voiture qui est vraiment aboutie, là. C'est vraiment une très bonne voiture. Oui, c'est bien. Ce que tu n'as pas précisé cependant, c'est quand tu parlais de la traction intégrale, ce n'est pas une traction intégrale qui est standard. Non. C'est une traction intégrale qui est gérée par les moteurs électriques. Il y a deux moteurs électriques qui sont logés sur l'essieu arrière et c'est eux qui reçoivent les commandes de l'ordinateur central, si tu veux, et qui justifient la traction intégrale et qui envoient le couple à l'une ou l'autre des roues selon je dirais l'adhérence ou la perte d'adhérence de l'une ou l'autre des roues. Donc, c'est assez impressionnant comme système. C'est extrêmement rapide comme intervention. Vraiment, c'est très, très, très, très bien. Ça a pris tout le monde par surprise d'ailleurs quand ils l'ont lancé l'année dernière. Et honnêtement, cette année, on est très heureux de voir qu'ils l'ont renouvelé, là. Oui, non, excellente voiture. Puis comme je dis, ça part à 69 990 $. Donc, puis le total combiné, je parlais de 310 chevaux, c'est 377 chevaux avec les moteurs électriques et le moteur à essence combinés. Transmission automatique à 7 rapports, à double embrayage. On peut changer les vitesses au volant ou tout ça, là. Ouais, Système de caméra qu'on peut voir alentour de la voiture, un peu comme on retrouve chez Honda. C'est une très belle voiture. J'ai bien apprécié. Comme je disais, quelques petits irritants, mais pour le reste, c'est une excellente voiture. mais c'est quand même une auto qui est à 65 000 $ de base, mon ami. Ouais, ben moi j'ai 69 sur le site de Acura, mais c'est possible que. En fait, la 69, c'est la Elite. C'est donc la version la plus équipée. Si tu prends la Tech, qui est la version de base, c'est 65 490. Et voilà. Donc c'est quand même dispendieux. Ouais, c'est pas à la portée de toutes les bourses, en tout cas pas à la portée de la mienne, ça c'est certain. Ouais. Écoute, là-dessus, mon cher, si tu permets, on va refaire une petite pause. On va revenir, tu vas revenir après la pause parce que c'est ton invité et je te laisse t'en occuper. Alors, il sera question d'assurance automobile et après ça, on revient dans un dernier bloc avec l'actualité. Alors, nous sommes de retour et nous sommes avec Benoît Campeau, notre expert en assurance. Salut Benoît. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tu veux nous parler de, bon, c'est le printemps et tu veux nous parler de déremisage, entre autres. Ben oui, effectivement, on a beaucoup de nos auditeurs qui en profitent pour remiser leur voiture quand l'automne arrive, quand l'hiver approche. Puis, en assurance, on peut remiser son véhicule pour l'hiver dans le but d'économiser de la prime. Ben, ce qui est important de faire aussi, on vient tout juste de passer le 15 de mars, donc on a le droit légalement, même si la température n'est pas à son maximum, on a le droit légalement de rouler avec ses pneus d'été. Donc, on a beaucoup de gens qui décident de sortir leur voiture. Donc, ce qui est important de faire, en fait, c'est de ne pas oublier d'appeler son assureur pour leur dire. Oui. Parce que, oui, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai dit oui, effectivement, parce que si tu roules avec une voiture puis l'assureur pense qu'il est toujours remisé, ben c'est pas nécessairement une bonne idée. Effectivement, parce qu'une des choses que le remisage fait, c'est que ça suspend les couvertures collision. Donc, la responsabilité civile, elle demeure. Le feu, vol, vandalisme, ce qu'on appelle la couverture accident sans collision, demeure aussi. Mais le point important, c'est la section collision. Donc, quelqu'un qui oublierait d'appeler son assureur, puis qui aurait un accident responsable, ben, pourrait voir sa couverture non applicable. Donc, une grosse chance à prendre. OK. Normalement, là, je veux dire, on a tous des fois des têtes en l'air, on vit une vie assez occupée. Si ça arrive, normalement, est-ce que les assureurs sont ouverts ou c'est plus systématiquement, ben, tu nous as pas appelé, donc t'es pas couvert ou... Écoute, je vais dire que les assureurs vont être beaucoup plus enclins à dire tu ne nous as pas appelé. OK. Par contre, il y a des assureurs ou il y a des courtiers comme moi. Ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où vous nous appelez pour remiser le véhicule, on se met une note le 15 de mars de vous appeler. OK. Donc, on fait un suivi avec vous, savoir, bon, est-ce que la voiture est sortie, à quelle date vous prévoyez la sortir. Puis, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on avise l'assureur, bon, ben, remettez les couvertures à partir du 1er avril, disons. OK. Parce que, justement, la voiture n'est pas prête à être sortie, les pneus, bon, il y a un paquet de facteurs. Donc, on dit au client, ben, si on met ça pour le 1er avril, est-ce que ça te va? Oui, parfait, on fait ça. OK, c'est Donc, bon. c'est un rappel, ça fait partie un peu de nos responsabilités comme courtier de faire ce suivi-là avec nos clients. Ouais, parce que de toute façon, si la date est le 15 mars, c'est pas nécessairement une bonne idée de la déremiser le 15 mars, parce que si vous remisez votre voiture, c'est que vous voulez la garder belle, propre et probablement pas trop maganée, c'est pas nécessairement le temps de la sortir le 15 mars, parce que les routes sont assez dégueulasses, merci. La roche et tout ça, pas une bonne idée. J'attendrai avril, milieu avril peut-être même, pour la... de temps que les routes se nettoient un petit peu. Absolument. Écoute, j'ai un collègue, moi, qui était à Québec, puis aujourd'hui, c'était la grande tempête, là. Donc, il faut pas se fier à la date. Non, c'est ça. Non, les gens de Québec sont habitués, par exemple. Surtout à Montréal, on a de la belle température. Là, c'est l'été et tout ça, là, mais quand même, il y a toujours une petite tempête sournoise qui arrive d'ici la fin du mois de mars, normalement, puis des fois même début avril, donc on fait attention. Je me plais à me taquiner mon collègue de Québec en lui disant toujours, on a ce qu'on mérite. Ouais, OK, mais ben, on aime les gens de Québec quand même. Absolument. Donc, écoute, l'autre chose que je voulais discuter avec toi, Luc, parce qu'on revient toujours avec ça, hein, l'assurance, c'est une question de prime souvent. Puis, je voulais donner quelques petits points rapides aux gens qui nous écoutent à savoir comment économiser sur votre prime d'assurance auto. Okay. Choses auxquelles on ne pense pas puis qui sont des fois très banales. Donc, j'ai résumé ça en quelques points. La première des choses, c'est la distance réelle parcourue annuellement. On a tendance, puis je remarque même par rapport aux clients qui nous appellent, on a tendance à dire, ben, ma voiture est louée, j'ai droit à 20 000 km, mets-moi 20 000 km annuels. Alors que dans les faits, vous faites peut-être 10, 12, 13 000 km. Ben, chez les assureurs, c'est pris en considération. Okay. Donc, c'est bien important de donner la distance parcourue exacte parce que vous allez payer votre prime vraiment en fonction des kilomètres parcourus annuellement. C'est un facteur qui est important. Ça, Okay. c'est le premier point. Ouais. Le deuxième, un incontournable, les dispositifs anti-vol, le burinage, le système de repérage, c'est des dispositifs qui vont faire en sorte que la prime en chapitre vol va diminuer. Donc, vous avez un véhicule qui peut être hautement volé. On vient toujours avec les incontournables, hein, les SUV, les Honda, en fait, les véhicules les plus communs sont souvent aussi les plus volés. Donc, on va aller dans le Mazda 3, par exemple. C'est un véhicule qui est assez volé pour les pièces, bien entendu. C'est pas le genre de véhicule qui va être importé dans d'autres pays. Non, mon Ford Escape me coûte plus cher d'assurance parce que c'est un Ford Escape. Oui, ben c'est un véhicule qui est plus. En fait, quand on dit commun, là, c'est parce qu'il est vendu en plus grande quantité. C'est ça. Donc, quand on dit en plus grande quantité, la demande pour les pièces est plus élevée. Exactement. Simplement comme ça. Ouais, parce qu'ils veulent pas nécessairement votre auto pour la revendre en tant que telle. Ils veulent la défaire en morceaux et revendre les pièces séparées. Exactement. Ouais, un peu comme si c'était du IKEA. Oui, mais d'habitude, il ne reste pas de pièces. Non. Le troisième point, on a tous la tendance de prendre des franchises plus basses. On prend la franchise à 250 $ pour un accident responsable, puis 100 $ pour feu, vol, vandalisme, bris de vitre. Moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'y aller peut-être juste un petit peu plus haut, à 500 et 250. Vous allez pouvoir économiser des fois des dizaines de dollars par année. Puis si vous n'êtes pas le genre de personne qui réclamait, mais au bout de 3-4 ans, vous allez avoir récupéré largement la différence de franchise. Donc, ça peut être un incitatif à augmenter vos franchises. Comme ça, ben, de 1, vous ne réclamez pas pour rien. Parce qu'on sait, hein, si on a une franchise à 100 $, on a 300 $ de dommages, on va réclamer. Ouais. Puis on sait tous que l'année suivante, on va le repayer en augmentation de prime de toute façon. Ouais, probablement aussi cher et non, si pas plus. Et voilà. Ben justement, je parlais de ne pas réclamer pour rien. Une chose qui va faire en sorte que votre prime d'assurance va augmenter, ça va être des réclamations. Il ne faut pas oublier que les assureurs ne tiennent pas considération, ou tiennent très peu considération du montant pour lequel vous avez réclamé. J'ai des clients qui me disent, ben écoute, ben moi, j'ai jamais réclamé, sauf une fois l'année passée, ça a coûté 1 000 $. Mais l'augmentation qui va suivre, Peu importe que vous ayez réclamé 1 000, 5 000 ou 20 000, le pourcentage d'augmentation demeure le même. Donc, ce que je dis un petit peu à la blague à mes clients, si vous êtes pour réclamer, réclamez pour la peine. Tant qu'à faire. Gâtez-vous, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, ben, on y va dans le plus conventionnel. Combinez vos assurances. Si vous avez deux véhicules et plus, essayez de les mettre avec le même assureur. Souvent, vous allez gagner des rabais de pluralité de véhicules, donc plus d'un véhicule sur une police. Des rabais qui vont varier de 5 à 15 %. Donc, ça peut valoir la peine. Ouais. De même chose pour l'auto-habitation. Combiner les. On entend plein de pubs à la télé qui disent qu'on peut sauver des centaines de dollars. Bon, il faut relativiser, hein, c'est bien sûr. Mais oui, il y a une économie à aller chercher encore là. Mais ça, il faut faire attention, il y a toujours une petite poigne là-dessus, comme moi, mon assurance maison puis mon assurance auto arrivent pas en même temps. Fait que là, tu déménages, mettons, ton assurance auto avec Benoît, mais là, l'assureur qui a présentement ta maison va dire, oui, mais là, t'as plus tes deux assurances avec moi, donc il faudra que je te charge plus cher pour ton assurance habitation. Donc, y a-t-il une manière de contourner ça? Écoute, il y a deux manières de le faire. La première des choses, c'est que si tu changes d'assureur automobile, assure-toi que le rabais que tu vas perdre est compensé par l'économie que tu vas aller chercher sur ton assurance automobile. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. Puis je t'avoue que c'est assez facile à faire parce que les rabais de pluralité de contrat, donc automobile et habitation, sont pas très élevés. On va aller chercher un 5 à 10 % seulement. OK. Donc, sur une prime de 1 000 $ en habitation, ce qui est quand même une bonne prime, on parle de 100 $. C'est facile de faire économiser 100 $ en automobile. OK, ouais, c'est bon. L'autre chose, ben, c'est justement de faire affaire avec un courtier qui, lui, va être capable de répondre à ces deux besoins-là en même temps. OK. On a tous entendu parler des petits gadgets qu'on branche dans le véhicule. Oui, comme l'annonce, je note. Ah oui, la fameuse jeunotte. Ben, il y a plusieurs assureurs qui offrent ça. Contrairement à ce que plusieurs pensent, c'est pas un Big Brother. Oui, les habitudes de conduite sont calculées, sont vérifiées. Par contre, les assureurs s'engagent souvent à nous dire, ben, la prime que je t'exige au début ne changera pas. Elle ne sera pas plus haute. OK. Le pire des scénarios qui peut arriver, c'est qu'elle va rester la même. Et le meilleur des scénarios, si tu as une bonne conduite, si tu as une conduite irréprochable, la prime va descendre. Donc ça peut être quelque chose à utiliser. Puis en même temps, c'est un gadget qui est facile à installer. C'est en dessous du volant où on retrouve normalement ce qu'on appelle la boîte à fuse, Non, ouais. là. C'est là que ça va se brancher. Ça prend quelques minutes. Je l'ai fait sur mon véhicule, puis c'est très facile. C'est-tu un connecteur, ce qu'on appelle ODBC, le connecteur à l'ordinateur de bord? Et voilà. C'est ça. OK. C'est exactement ça. Pour terminer, il y a quelque chose qui existe encore qui est très fréquent, c'est les polices à plus d'un renouvellement, ce qu'on appelle communément les polices 2 ans. J'ai même un assureur qui vient de, ben, qui vient, ça fait quand même un peu de temps de ça, mais qui met beaucoup à l'avantage. On garantit la prime 3 ans. Ce que ça amène, c'est que l'assureur va te donner tout de suite la prime que tu aurais eue l'année suivante ou 3 ans plus tard. Donc, on va avoir des gens, par exemple, qui ont eu un accident. Mais on va prendre ça en considération. Donc, quelle aurait été ta prime dans 3 ans? Et on va te la garantir pour les 3 années qui suivent. OK. L'avantage qu'il y a, ben justement, s'il se produit quelque chose, un accident ou un événement pendant cette période-là, ben l'assureur s'engage aussi à ne pas augmenter ta prime. Donc, ça peut être une belle solution pour justement limiter les dégâts si jamais il arrivait un incident. Ouais, mais théoriquement, ça devrait être quand même possible parce que j'ai rarement vu une prime baisser quand tu restes chez un assureur. Normalement, si tu bouges, oui, souvent tu as un rabais la première année, puis la deuxième année, des fois ils viennent le rechercher, ou finalement l'autre année, ça augmente Hein? pour des raisons un peu nébuleuses parce que t'as pas eu d'accident, rien, mais ta prime augmente pareil. Et voilà. Puis la concurrence en assurance étant ce qu'elle est, les assureurs donnent des rabais de bienvenue, il ne faut pas se le cacher. Alors que si on prend un contrat de 2 ans ou 3 ans, on va conserver ce rabais de bienvenue-là pendant les 2 ou 3 prochaines années. Okay. Donc, ça peut être un avantage. Et naturellement, ben, magasiner. Ça fait drôle à dire, mais c'est une des choses des fois qui peut aider. Je dirais pas de magasiner à chaque année parce que les tarifications, les taux chez les assureurs n'ont pas une énorme variable d'une année à l'autre. Okay. Mais encore là, au moins une fois ou 2 ans, essayez de voir, demandez à votre courtier de magasiner pour vous au moins aux 2 ans. Si vous êtes sur un assureur direct, ben, c'est peut-être une belle opportunité d'appeler un courtier qui refasse tout le travail pour vous, d'en appeler 5, 6, 7 assureurs pour voir justement si on n'aurait pas de meilleures conditions à ce moment-là. La meilleure prime. Ben, c'est parfait. Benoît, si parlant d'assurance, les gens veulent te rejoindre pour voir si tu peux leur trouver une bonne police, comment font-ils cela? Par téléphone au 1-888-871-2520, poste 378. Je suis aussi sur Facebook, sur la page AssureExpert Campo et sur Twitter à AssureBen. Parfait. Donc, merci Benoît. Et nous, on fait une petite pause, puis après ça, on revient avec Marc, puis on va parler des nouvelles dans le domaine de l'automobile. Alors, nous sommes de retour pour notre dernier bloc de cette émission. Marc, c'est le bloc où on parle de nouvelles dans l'industrie de l'automobile. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ben écoute, comme d'habitude, il y a toujours plein, plein, plein de nouvelles qui sillonnent l'actualité, si tu veux. Mais il y en a une qui a retenu mon attention, qui n'est pas vraiment une nouvelle, qui est un sondage qui a été réalisé par Kelley Blue Book et AutoTrader aux États-Unis et en Amérique. En fait, ça a été réalisé par Cox Automotive, qui est la maison mère de ces deux compagnies-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un sondage auprès des jeunes de la génération Z. Ça, Luc, les jeunes de génération Z, c'est les jeunes de l'âge de ton fils. C'est les 0-17 ans, en fait. Les futurs consommateurs. Exactement. Et ils disent, écoutez, on ne fait pas ça pour rien parce que les jeunes de génération Z, c'est 23% de la population et on dit que ça va être 3,2 trillions de dollars en 2020 au niveau de leur pouvoir d'achat. OK. Fait que 3,2 trillions, ça commence à faire une pas pire économie et ils ont donc décidé de sonder ces jeunes-là. Évidemment, ils ont donné un petit côté favorable aux jeunes de 12 à 17 ans, qui avaient peut-être un rôle plus important à jouer, il y en a 1 200 sur les 3 000 qui avaient entre 12 et 17 ans. Ouais, parce que entre 0 et, mettons, 10 ans, là, ça peut être assez bizarre ce qu'ils diraient comme choix de voiture, mettons. Ben, en fait, c'est que ce n'est pas des choix de voiture. Ce qu'ils ont voulu savoir, c'était quelle est la perception des jeunes face au monde de l'automobile. Alors, pas par rapport à des modèles spécifiques. Alors, par exemple, ils se sont aperçus que les jeunes de 17 ans et moins avaient un intérêt marqué pour l'économie. 60% disent qu'ils préfèrent économiser leur argent pour le moment plutôt que de la dépenser. OK. Parce qu'ils ont peur des dettes et de la pauvreté et d'une perte d'emploi éventuelle. Serait-ce qu'ils sont plus judicieux que nous autres? Ben, en fait, moi, je pense qu'ils sont surtout, et toutes les réponses, tu vas le voir, tournent autour de ça, j'ai l'impression qu'ils sont tellement sensibles à tout ce qui se dit au niveau des nouvelles, au niveau des campagnes de promotion, au niveau des campagnes de publicité. Ils sont vraiment dans un monde particulier et ils se sont fait une opinion qui est assez radicale. Honnêtement, moi, j'étais profondément troublé. Écoute, 97% des jeunes de 17 ans et moins affirment qu'ils veulent avoir un permis de conduire. OK. Ce qui est une bonne chose, Ouais. parce que, bon, quand on regarde ce qui se passe chez les 18-30 ans, c'est à peu près 68% des jeunes qui ont un permis de conduire. Donc ça va, il y a une tendance particulière. Mais en lien avec leur question d'économie, les jeunes ont choisi des marques qui sont un peu particulières. Ford, Chevrolet et Honda arrivent dans les trois premières positions pour les marques qui les intéressent. Alors que quand on va vers les jeunes un peu plus vieux, là, les 18-24 ans, on parlait d'Audi, BMW et Mercedes-Benz. Alors on est vraiment dans un autre monde et la réponse à ça, c'est probablement parce que les jeunes n'ont pas encore fait le lien avec leur personnalité et ce que la voiture reflète. OK, ouais. Alors, pour eux autres, c'est vraiment strictement le côté pratique de la voiture qu'ils voient. Donc, c'est ce qui fait que ça donne ça. Ça donne donc la Ford, le Chevrolet et le Honda. Ils sont très favorables aux voitures hybrides. Ben, en fait, aux voitures, disons, écologiquement intéressantes. Okay. Mais, la vraie raison, c'est pour sauver de l'argent. Okay. Parce que 47% disent que c'est surtout l'économie de carburant et l'économie dans leur poche qui les incite à aller vous choisir un véhicule hybride. Alors que 33% disent que c'est un facteur vital pour l'environnement. OK. Alors tu vois que c'est pas ils veulent pas sauver le monde, là, ils veulent surtout sauver leur propre poche. Mais c'est encore vrai, c'est vrai de nos jours aussi. Oui, c'est juste que je trouve ça très drôle parce que moi, je m'attendais que les jeunes soient extrêmement écolos, vert foncé à la limite, pas du tout. Ils sont vraiment pas là. Je trouve ça très, très amusant. OK. Ils sont aussi très favorables. Plus de 50% sont favorables aux voitures autonomes, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de conduire. C'est une question de sécurité. 61% disent que s'il y avait des véhicules autonomes, il y aurait probablement moins d'accidents et que ça éliminerait les problèmes de distraction au volant. Ouais. Donc, ils ne sont pas défavorables à ça. Non, Par j'ai pas contre, nécessairement tort non plus. et là, ça, c'est la question qui m'a bien fait rire, c'est qu'est-ce que vous feriez pour avoir un véhicule? Quelle sorte de sacrifice seriez-vous prêt à faire pour avoir un véhicule? Et là, écoute, en tout cas, moi, j'y crois pas. Je suis très honnête avec toi. Je n'y crois pas. 72% disent qu'ils sont prêts à ne pas aller sur les réseaux sociaux pendant un an si ça veut dire qu'ils vont avoir une voiture. Ouais, OK. Attends, attends. Il y a pire. 60% disent qu'ils sont prêts à ne pas avoir de vêtements neufs pendant un an si ça leur permet d'avoir une voiture. Et 33% disent qu'ils pourraient même laisser aller leur cellulaire pendant un an si ça veut dire avoir une voiture. Ouais, c'est ben quoi que pas avoir de cellulaire, ça aide à pas aller sur les réseaux sociaux, donc les Ouais, deux mais pourraient bien aller ensemble, mais moi, je te dirais que c'est ouais. peut-être vrai quand t'as 11 ans, quand t'en as 17, j'ai un très, très, très sérieux Ouais, c'est ça, hein. Non, moi aussi. doute. C'est long, un an. Et enfin, la dernière statistique que j'ai trouvée intéressante, les jeunes que je croyais absolument passionnés de technologie et d'achat en ligne, ben, ils veulent pas s'acheter d'auto en ligne. 26% des répondants seulement ont dit qu'ils étaient prêts à conclure une transaction en ligne. 68% disent plutôt que l'interaction avec des humains est encore ce qu'il y a de plus important. Ouais, ben c'est pas nécessairement faux. Tu peux avoir des informations. Les sites, t'sais, Internet ont pas nécessairement toute l'information. Non, mais eux autres, là, écoute, de plus en plus, les concessionnaires se dirigent vers carrément de la vente en ligne, là. Ouais. Tu vas comme commander ta voiture carottée rose et mauve sur le site de ton fabricant et elle va arriver chez le concessionnaire le plus proche de chez vous, là. Ouais. Mais honnêtement, on n'en est pas rendu là. Surtout que ces jeunes-là, comme tout le monde à peu près, disent qu'ils préfèrent conduire le véhicule au moins deux fois avant de l'acheter. Ouais, au minimum une fois, là, mais deux fois, c'est pas méchant non plus. C'est ça. Alors, tu vois, j'ai trouvé que les jeunes étaient quand même structurés. Bon, il y a des affaires qui sont un peu surprenantes, mais je trouve ça quand même très amusant de voir ce que les jeunes pensent à propos de ça. Non, j'ai hâte que ça va se concrétiser dans les 10-15 prochaines années. C'est ça, on verra ça. Dans la série des nouvelles, on va continuer avec une petite voiture. Je sais que toi, tu es un tripeux Mustang, que tu ne jures que par Mustang, que tu t'es Bon. fait tatouer une Mustang dans le dos. Non, pas tant que ça, mais... Pas dans le dos, mais sur le bras, oui. Bon, c'est ça. Mais écoute, Camaro Chevrolet vient de prendre l'avance un petit peu, je pense. Mais pas de l'avance, mais en tout cas, vient certainement de donner un nouveau souffle à sa Camaro en dévoilant une Camaro ZL1 allégée et ultra puissante. On parle de 640 chevaux, 640 livres-pieds de couple et un châssis super léger. C'est le même moteur suralimenté qu'il y a dans la Cadillac CTS-V, un V8 6,2 litres. Boîte automatique 10 rapports. C'est une boîte, en fait, ça c'est particulier parce que c'est la boîte automatique qui va aussi être utilisée par Ford notamment Ouais. pour le Raptor SVT. Et ça a été développé conjointement avec les deux constructeurs américains. Effectivement, Ouais. et pour la Camaro, si tu le préfères, ben, il y a une boîte manuelle 6 vitesses aussi qui va être disponible. Évidemment, on a mis tout ce que tu pouvais t'imaginer en termes d'aérodynamique pour la maintenir à terre avec une puissance comme celle-là normale. Des freins Brembo surdimensionnés, les mêmes que la CTS-V. Bref, c'est un monstre qu'on a lancé pour l'année du 50e anniversaire. C'est une des Camaros les plus puissantes qui est prête pour la piste. Et ça aussi, c'est quand même intéressant, il faut le dire. Moi, je vois une photo présentement, puis ça a l'air assez méchant. Oui, ça a l'air assez méchant, effectivement. Et comme je t'ai dit, ils ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient comme tout ce qui est aérodynamique, là, ça, c'est, ils ont vraiment fait un effort très, très particulier. Ouais, le seul bémol que je mets, moi, sur la Camaro, c'est qu'elle n'a pas été en production pendant 50 ans. Ils ont arrêté. J'ai de la misère avec le fait qu'on fête 50 ans de production quand la voiture n'a pas 50 ans. Mais ils doivent fêter 50 ans du nom et non pas nécessairement de production parce que. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est pas tout à fait comme la Mustang. On sait que toi, tu as un parti pris incroyable. Fait que... Ben, peut-être que le jour où je pourrais conduire une Camaro, je changerai d'idée. On sait Oh, jamais. mais honnêtement, non, moi, je suis pas un fan tant que ça. Je suis très franc, là. C'est bien, c'est le fun d'une Camaro, mais je suis pas un fan tant que... Moi, honnêtement, je suis un gars de Challenger. Ouais. Hein. Fait que je suis désolé de vous dire que ni l'un ni l'autre, vous n'avez réussi à gagner mon cœur. Ça, c'est... Que veux-tu? C'est des choses qui arrivent. on va continuer dans les nouvelles avant que la chicane pogne. Non, je ne comprendrai pas. Non, non, non, non. Non. Et dans la dernière nouvelle, en fait, on va en reparler davantage la semaine prochaine, mais il y a la semaine prochaine le Salon de l'Auto de New York qui s'en vient, auquel je devais participer, mais que j'ai annulé à la dernière minute parce que je vais revenir de Californie au moment où le salon va commencer. Donc, je trouvais ça un peu compliqué de pouvoir me rendre, faire l'aller-retour pour les deux, là, c'était un peu trop Un peu complexe. intense. Ouais, un peu complexe. Fait que j'ai donc décidé de ne pas y aller. Par contre, il y aura plusieurs nouveautés. Il y en a deux qui retiennent pour le moment mon attention en particulier. C'est la nouvelle Toyota Prius, probablement une Prius branchable. OK. Toyota a teasé tout le monde avec une espèce de photo de l'arrière avec des blocs optiques qui font toute la largeur. C'est très particulier. On s'imagine que c'est la hybride rechargeable, mais on verra ce que ça va dire. Toyota nous a dit que c'était une merveille mécanique. Alors, on verra ce que ça va donner. La deuxième qui retient mon attention, c'est la Subaru Impreza. On a vu le prototype, tu t'en as parlé, tu as vu le prototype de la berline à Québec, au Salon de Québec. Mais là, à New York, on va présenter la version de production. Alors, ça aussi, ça promet d'être super intéressant. Ouais, la seule chose, ils ont montré un teaser qu'on pourrait dire avec juste un bloc optique en avant et ça n'a pas l'air à ressembler à ce qu'on a vu. Mais c'est souvent le cas, Fait. malheureusement. Comme je t'ai dit l'autre jour, c'est très, très dommage de constater à quel point Subaru arrive avec des beaux concepts, mais pas nécessairement avec autant de vitalité dans la réalisation de la production. On verra ce que ça va donner. C'est ça. Mais je me prépare tranquillement pour une petite déception. Mais on verra. Bon, bon, bon, bon, bon. Regarde l'autre qui commence mal de même. Ah. Enfin, un dernier mot. Pour toujours au Salon de New York, il y a Mazda qui va être présent aussi. On a reçu, je ne sais pas si toi tu as reçu ça, on Ouais. a reçu une lettre du Japon. Me semble que j'ai vu ça passer, ouais. D'accord, c'est une carte du Japon avec tous les timbres et tout. S'il y a des collectionneurs dans la salle, dites-nous-le. C'est vraiment très cool avec un morceau d'origami à l'intérieur qui me laisse présager probablement une Mazda MX-5 à toit rigide. C'est à ça qu'on s'attend de chez Mazda, mais évidemment, les gens de Mazda ne veulent pas le confirmer avant la date qui est la semaine prochaine. Oui, ça fait. Les gens demandent ça depuis un petit bout de temps. Ça serait le fun que ça arrive. Oui, ben, on l'avait déjà sur l'ancienne version, Ouais. alors c'est logique qu'on le fasse aussi sur celle-ci. Oui, ce serait super. Une belle petite voiture. Exactement. Bon, ben Marc, on va terminer ça là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, te lire, comment font-ils cela? Ben, écoute, sur tous les sites de Netmédia 360, c'est-à-dire Écolo Auto, VUS Mag, Auto Féminin ou Luxury Car Magazine, qui malgré son nom est en français. On est aussi sur Affaires de gars, sur le Huffington Post Auto. Et bien sûr, ils peuvent me retrouver sur Facebook. Sur Twitter, Marc souligné Bouchard ou à notre adresse courriel qui est que tu vas te faire un plaisir de donner parce que je m'en souviens jamais d'une semaine à l'autre. Info à saroule.com. Pour moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Scalazormo, et aussi le compte de Saroule Radio sur Facebook et sur Twitter. Et puis, vous pouvez, c'est ça, nous écrire info à saroule-radio.com. Puis, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Marc, on va pouvoir te voir à la télévision bientôt. On va en reparler dans un avenir rapproché. Saroule.tv, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Si tout se déroule normalement, notre site web devrait ouvrir la semaine prochaine et on devrait les émissions, elles, devraient commencer en date du 28 mars. Mais écoute, la prochaine fois, je pense que je vais amener avec moi ma co-animatrice Émilie Bolduc. Tu vas voir, elle parle plus que moi, je pense. Ça va te donner un peu de défi à contrôler tout ça. Je trouve ça difficile à croire, mais on verra bien. Oh, je te le promets. Donc là-dessus, je vous dis merci de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Merci Marc. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Attends, comme ça.